Chapitre 2. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de faire le recensement de tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tous les gens allaient se faire inscrire en se rendant chacun dans sa propre ville. Joseph partit de la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller en Judée, dans la ville appelée Bethléem, où est né le roi David, parce qu'il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire inscrire avec Marie, sa fiancée. Elle attendait un enfant, et pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour arriva où son bébé devait naître. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la maison où logeaient les voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit sur eux. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un bébé enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « La gloire est à Dieu dans les cieux très hauts, et sa paix est donnée sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le bébé couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Mais Marie gardait tout cela dans sa mémoire, et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Une semaine après, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant dans la ville de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi de Dieu, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Ils offrirent aussi le sacrifice que demande la loi de Dieu, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était droit, il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui, et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Dirigé par le Saint-Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, ta promesse s'est réalisée. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et comblera de gloire Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a choisi cet enfant pour causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les hommes s'opposeront. Et il fera ainsi apparaître en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, femme, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, appelée Anne, qui était la fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était avec lui. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils se rendirent à la fête comme d'habitude. Quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus se trouvait avec leurs compagnons de voyage, et firent une journée de marche, puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais ils ne le trouvèrent pas, de sorte qu'ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Le troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres juifs, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents le virent, ils furent très étonnés et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus retourna alors avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait dans son cœur le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait de corps, progressait en sagesse, et se rendait agréable à Dieu et aux hommes.